dépassive. Mais c'est fini, le verre est plein. En bas écrit, entends-tu l'envoi? L'envoi de ses familles, plein de chagrin. La voix qui prie pour un meilleur destin. Excuse-moi d'exister, excuse mes sentiments. C'est ici que je suis heureux avec toi, je m'en. Excuse-moi d'exister, excuse mes sentiments. Rends-moi ma liberté, je te le demande gentiment. La liberté, la liberté, la liberté est d'avant dans nos cœurs. La liberté, la liberté, la liberté, nous ça nous fait pas peur. La liberté, la liberté, la liberté, c'est d'avant dans nos cœurs. La liberté, la liberté, la liberté, nous ça nous fait pas peur. Ils ont cru qu'on était mort, ils ont dit bon des voleurs. Ils ont cru qu'on avait peur de se passer tout noir. Il n'y a plus personne que des photos, des mensonges, que des pensées qui nous rangent. C'est bon, emmenez-moi là-bas. Oui, il n'y a plus personne là-bas, il n'y a que le feu. Che Guevara m'attend, emmenez-moi là-bas. J'écris ça un soir,